Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr.

envie, jour et nuit, pour réussir, pour gravir les sommets, en oubliant souvent non ma course contre le temps. Mes amis, mes amours, mes emmerdes, à corps perdu, j'ai couru, assoiffé, obstiné, vers l'horizon, l'illusion, mais vers l'abstrait, en sacrifiant, c'est navrant, je m'en accuse à présent, mes amis. Mes amours, mes emmerdes. Mes amis, c'était tout en partage. Mes amours faisaient très bien l'amour. Oh là, mes emmerdes étaient ceux de notre âge. Où l'argent, c'est dommage. Les peurs de nos jours. Oh. Pour être fier, je suis fier. Entre nous, entre nous. J'ai fait ma vie, mais il y a un mais. Eh oui. Je donnerai ce que j'ai pour retrouver, je l'admets, mes amis, mes amours, mes emmerdes. Mes relations, ah, relations sont, oh, vraiment sont haut placées, très haut placées. Peu de noms, des gens bien petits. Ils sont sérieux, trop sérieux. Mais près d'eux, j'ai toujours le regret de mes amis, mes amours, mes emmerdes. Mes amis étaient pleins d'insouciance, c'est vrai. Mes amours avaient le corps brûlant. Mes emmerdes aujourd'hui, quand j'y pense, avaient peu d'importance, et c'était le montant. C'est vrai, hein. Les canulars, les pétards, les folies, les orgies, le jour du bac, le cognac, les refrains, et tout ce qui fait sur eux. Le long des côtes claires, à des reflets d'argent, la mer, des reflets changeants, sous la pluie, la mer, au ciel d'été, confond ses blancs moutons. La mer, bergère d'azur, infinie. Voyez, près des étangs, ces grands roseaux mouillés. Voyez, ces oiseaux blancs. À bercer le long des golfes clairs et d'une chanson d'amour, la mer a bercé mon pour la vie.

Voilà donc, bonjour à vous toutes, il est 13h passé de 30 minutes, et bien le retour avec tout simplement l'accordéon tous les dimanches. Voilà donc aussi, j'espère que vous avez passé une très bonne matinée et que vous allez continuer de la bien passer avec l'après-midi dans l'accordéon tout simplement. On va débuter tout simplement l'émission avec un morceau d'André Verschuren et le titre s'appelle tout simplement l'accordéon romantique. Et puis juste après il y aura tout simplement d'autres thèmes comme le vals, tango et puis country et puis d'autres musiques différentes pour vous faire plaisir. Bientôt, hasta Hasta luego, l'aventure est toujours un cadeau. Je rêve de croisière en solitaire, en partant du port de Saint-Malo. Mon voilier s'appelle le Restataire, mais un jour ira sur les flots. Je croise souvent dans mes rêves le Cap Horn ou bien San Francisco. J'attends tous les jours que le vent se lève pour mettre les voiles s'il fait beau. Si mon bateau part, largue les amarres, vous chanterez à mon départ. Hasta luego, hasta luego, au revoir et surtout à bientôt. Hasta luego, l'aventure est toujours un cadeau. Voici un morceau, Val, c'est puis juste après le Madison. Le Madison qui m'a demandé la semaine dernière le Madison, donc j'y pense pour elle si elle écoute du Madison. C'est au rétro qu'elle vienne mouiller le maillot. L'autre, ou côte à côte, celle qui démarre au verso. Quand elles ont chaud, qu'elles ont trop chaud, elles adorent bomber le pot. Comme des poissons dans l'aquarium, elles prédit pour le malisseur. Tous mes copains, tous mes amis m'ont donné rendez-vous ici.

autre morceau du bourré, et puis juste après, un morceau tout simplement différent. Avec la guinguette. Thank you. Voici donc la guinguette. Et puis juste après, on écoutera Claude Caron. Et c'est la balle, le bal du pays. maintenant, je vous laisse avec l'accordéon portugais. Claudie Musette-Kinzen du côté de l'Auvergne. Du temps de mon enfance, maison, un lieu calme et tranquille. Dès aujourd'hui, rien ne doit t'empêcher que cette nuit soit douce pour s'aimer. Jusqu'à la fin des jours, pour être heureux, nous parlerons d'amour. Il fait bon sous son toit, chanter à l'unisson. Elle est aussi à toi, ma petite maison, elle est aussi à toi, ma petite. Voici donc deux morceaux, valse, et puis juste après, du Madison.

Je suis prêt à refaire le chemin. Je commence demain. Plein d'espoir avec le même emprunt. Je commence demain. Toujours prêt à refaire le chemin. Je commence demain. Mon bignou dans la main, je suis bien. Un morceau, c'est la valse. Et puis juste après, de la Java. Musique. Voilà donc après le passo, voici donc un titre de Chantal Soulus, et puis juste après du tout simplement folklore. Voilà. Chaque jour à l'écho de nos cœurs qui transporte le bonheur. Pendant vous de l'amour, tu nous donneras toujours l'allégresse et l'ivresse des beaux jours. La Biarritz à Bayonne, on danse et l'on fredonne. Cet air humide de la chaleur dans les cœurs et nous fait vivre à plus de 200 à l'heure. Le pays est en fête. Radio Arc-en-Ciel. donc la guinguette, tout simplement du côté du Picardie, et puis juste après la Java. Il existe un très beau pays entre Nord et Normandie. Je ne connais rien de pareil. On peut y voir mille merveilles, que le ciel soit bleu ou soit gris. Quelle est belle ma Picardie, c'est le pays où j'ai vu le jour. Il est dans mon cœur pour. Arc-en-Ciel. C'est aussi ça. Voici donc Jean-Désiré Bailly, et puis juste après lui, on écoutera La Fiesta. c'est beau une fleur dans la main d'un enfant, un reflet de bonheur en admirant passant. Et ce n'est qu'une fleur, petite fleur des champs, mais elle touche le cœur. Elle attend notre main dans sa frêle corolle sur le bord du chemin qui conduit à l'école. Et combien d'amoureux ont trouvé le bonheur en plaçant tous leurs vœux. C'est beau une fleur dans la main d'un enfant, un reflet de bonheur qu'on admire en passant. Et ce n'est qu'une fleur, petite fleur des champs, mais elle touche le cœur dans les mains d'un. Quand on voit l'enfant pour la fête des mères adresser tendrement quelques fleurs à sa mère, c'est un tableau tout blanc rassemblant tant de sœurs. Ce beau geste d'enfant après la... Tout simplement, voici la valse après la fiesta. Ah, ça

avec Jean-Pierre, l'émission Vers Matin. Et puis donc, dans l'après-midi, à partir de 14h jusqu'à 19h, vous allez retrouver Annabelle pour l'émission Arc-en-Ciel, avec en musique et info. Et puis en soirée, eh bien, vous allez retrouver tout simplement Manu avec l'émission On the Rock entre 19h jusqu'à 21h. Voilà, donc on continue tout simplement avec l'accordéon, mais je vous laisse avec l'ambiance zouk. Et puis juste après, on ira faire un petit tour du côté de Rome avec tout simplement le titre de l'accordéon, ça s'appelle Floral Rome. morceau différent, c'est la polka. Thank you. laisse avec une autre morceau de valse, c'est la valse des roses. Voici donc du Madison. Wilcon Madison. simplement le passo. Voici donc y a la joie dans mon accordéon avec Serge Berry. Bien sûr, touche bientôt à sa fin. Voilà donc qu'on va bien sûr se dire bonsoir à tous et à toutes. On va se retrouver tout simplement eh bien, la prochaine dimanche, tout simplement. Mais aussi dans d'autres émissions, soit le mardi ou le vendredi, il y a aussi d'autres morceaux d'accordéon différentes. Voilà donc, eh bien, on va terminer l'émission avec la chanson qui s'appelle Non, l'accordéon de Sylvie. Tout simplement avec la samba. Voilà donc, eh bien, je vous dis bonsoir à tous et à toutes, et puis je vous dis tout simplement bonne fin d'après-midi et bonsoir.